Bonjour. Il y a quelque chose aujourd'hui qui a attiré mon attention. C'est le nom qui a été donné à la nouvelle, notre petit nouveau, qui a été appelé le variant Omicron. Il y a une chose au niveau des connaissances générales, puis c'est important d'avoir de la connaissance générale. Pourquoi? Parce que les gens d'en face sont des êtres de connaissance, la connaissance. Donc, c'est très, très curieux. Pourquoi? Parce que je peux comprendre qu'il y ait, par exemple, eu un variant, le premier variant, il aurait pu être, sans qu'on le nomme ainsi, le variant alpha, mettons. Le premier, parce qu'il est la première lettre de l'alphabet grec. Il y a trois alphabets, il y a plusieurs alphabets, en fait, importants à comprendre, comme latin, grec, hébreu. Mais là, aujourd'hui, on nous sort un variant Omicron. Or, je comprends pas. Le dernier variant était le variant Delta. Delta est la quatrième lettre de l'alphabet grec. Et là, tout d'un coup, on tombe à Omicron. Il faut comprendre que Delta est aussi un triangle. Un delta, c'est aussi un triangle. C'est la quatrième lettre de l'alphabet grec. Mais Omicron est la quinzième lettre de l'alphabet grec. Et je me disais combien ça vaut déjà. J'ai vérifié dans mes notes. Ça vaut 70 au niveau numérique parce que le grec, comme l'hébreu, il y a une valeur numérique. Par après, je me disais, eh bien, d'accord. Donc, au niveau de nos amis très très connaissants, eux, ils ont une espèce d'affabulation selon laquelle tous les alphabets de certaines époques viendraient du phénicien. Et dans le phénicien, au niveau du phénicien, le petit o, parce qu'Omicron, c'est pas l'oméga, c'est le petit o dans le grec. Et Omicron est lié, par exemple, vous savez, les bateaux des marchands phéniciens, il y avait des symboles, comme au niveau des Grecs, il y avait des symboles de pain au devant sur la proue des bateaux. Omicron, au niveau du phénicien, l'alphabet phénicien veut dire œil. Donc, c'est un petit peu gros, là. C'est un petit peu gros, c'est-à-dire qu'après un triangle, on nous pond un œil. Donc maintenant, moi, ce que je dis là-dedans, c'est que c'est signé et que c'est de la pure provocation parce que c'est large comme un éléphant et c'est très, très facile à décrypter au fond n'importe qui a une petite connaissance générale. Donc, ça semblerait signé parce qu'on pourrait appeler certaines choses liées à la haute finance. Vous savez, là, par exemple, il y en a qui s'intéressent, moi j'embarque pas là-dedans, mais il y en a qui s'intéressent au récentisme, ce qui était appelé le récentisme. Parmi les peuples anciens, il y avait les Philistins, et ensuite vous avez les Phéniciens, et là, on a une conversion par rapport à certains peuples vers des peuples plus de commerçants, et puis par rapport à certains dieux. Ils avaient des cités comme Tyr, et puis là, c'est des petites clés que je vous donne. Vous avez le dieu qui était le dieu très important pour les navigateurs, Dagon. Donc, par l'Ancien Testament, la statue de Dagon qui. Ça, il y a des récits relatifs à ça. Donc, Omicron, qui est la 15e lettre de l'alphabet grec. Si nous nous référons à l'alphabet phénicien, c'est la lettre au niveau minuscule, le petit o, qui veut dire œil. Donc, je dis que c'est signé, je dis que c'est de la provocation, je dis que c'est gros comme un éléphant, et que là, nous entrons, semble-t-il, dans certaines phases au niveau de la finalité d'une première phase, peut-être, de quelque chose. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Mais c'est très intéressant de voir au niveau de certains initiés de la connaissance qui sont initiés à certaines choses. Ça fait penser à des espèces d'ados boutonneux qui sont ou de gens, vous savez, comme les confréries aux États-Unis, les fraternités d'université, là, puis qui tripent sur des alphabets grecs, puis des affaires. Au fond, là, on a affaire en quelque sorte à des gens qui s'amusent. Des espèces d'enfants gâtés très, très, très, très riches. Donc, de ne pas se laisser impressionner et de ne pas avoir peur non plus, d'être une bonne tête de cochon et de tenir bon. Bonne journée.